toi mon amour, dis-toi bien qu'un jour, moral en dessous et te casser les genoux. Dans la vie y'a les baptêmes, les blondes ont la tête pleine. J't'envisage en quarantaine, parfois les jokers lâchent les rênes. Et toi mon amour, tu m'as dit qu'un jour, si t'es sans le sou, élevé des caribous.